C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pierres. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Après tant d'années, écrit des rimes pour le reste. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pierres. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Rêve de passer du passe-temps au métier, c'est moi la sang. On donne un job, m'emparer du globe avec un Glock et ma team. Cause des hématomes à ceux qui nous bloquent, des victimes. Tuer une mélodie me fait vaincre jusqu'à 20 hommes sur 100 thèmes. On sort le deuxième tome, t'en es saigne. T'as fait le fier et t'en es sonné. Signe ton arrêt de mort, j'tue sur feuille. Et taf pour les sons. Et les sauces pourries sur le bitume. C'est trop dur, mais faut pas trop le dire. Alors on y pense avec la plume. M'en affixe, niavo. J'fax mes textes avec la notice. Pour comprendre comment j'décris la situation dans nos tests. Novice comme Norris face à Bruce Lee. Lui casse la gueule. Perds pas de temps, la chance n'attend pas que tu la saisisses. Elle file sans laisser trace. Les occasions se font rares. Moi j'ai la poisse et ça te fait rire. J'ai appris à prier grâce à ma mère et Dieu s'est fait grand. Prête pour pas être perdant. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pierres. Dans notre dernière chance, c'est rien d'enviable, on le prétend. Après tant d'années, écrit des rimes pour le récent. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pierres. Dans notre dernière chance, c'est rien d'enviable, on le prétend. Rêve de passer du passe-temps au métier, c'est moi la sang. Hey yo, ma route secours, faut pas que je l'esquive, il faut que je perce la tête. Toujours là pour ne pas que le coup se disperse. 91 000 évries, représente jusqu'au bout, mec, la galère. Dans ce putain de béton, elle te frappe, c'est que le microphone, je le domine car c'est mon domaine. Et tu haut des bâtiments, tous les jours cette putain de haine. Le rap, petit à petit, pas besoin de sauter des tables. Je vais juste venir m'introduire et faire passer mes messages à tous les gars de ma tête qui pour la plupart ne sont pas sages. Mon passage sur l'instrumental est radical. Le jeune banlieusard comme d'habitude vient s'incruster et tenter sa chance au sein de cette société. Putain, c'est ma dernière chance, un de plus dans la danse. Rime carré pour mieux me préparer, insuffle la cadence. Dans un sens, on introduit le marché pour mieux fuck la France. La France. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pères. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Après tant d'années, écrit des rimes pour le récent. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pères. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Rêve de passer du passe-temps au métier, c'est moi lassant. J'me tape la galère, à haute dose. Ici c'est tout sauf un roman. Allô, grosse, on cherche l'osmose. Mais regarde sur quoi les gars se misent. J'grimace et le mal s'immisce. Faut pas que je grimace, seule chance. Je veux pas finir avec la dope dans les sinus. Lâche le ciné, faut qu'on s'unisse. Pour que les sous naissent, qu'on en finisse. Visse un peu de finesse, sinon c'est notre père qu'on finance. Faut que je paye la caution. Plus papier, je résous l'équation sans le théorème. Les deux on rame comme l'hiver. Et j'ai rarement le sourire à part shooter au rhum. Faut que je taille, s'il y a une place pour deux, j'aurai le cul sur le fauteuil. Il me reste plus que ma mifa et ma feuille pour éviter la faillite. Flamber en merco et pas traîner en fiat. Je quitte mon cocon, sous la gorge et le toku. Le tonki blesse et rien à perdre comme beaucoup. Marre d'entendre dire qu'avec la poids je fais un beau coupe. Ici le pire menace en permanence. Faut que je perde, je suis foutu, c'est ce que mon père m'annonce. Alors je taffe dans ce pays, c'est le prix à payer. Appuyé par mes rouillards, je me trace un destin royal. Ultimatum sauce, un destin royal. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pères. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Après tant d'années, écrit des rimes pour le reste. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent, appréhendant le futur comme des pères. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Rêve de passer du passe-temps au métier, c'est moi la sang. Une vie de player, dans une super partie de poker. Bluff parce qu'il t'a pas tes cartes, t'as qu'une paire. Tu plaides l'innocence, la police essaie de t'inculper. Cadavre coupé, et leur dossier est incomplet. On sait que t'es le mec wanted du secteur. C'était dernier pion à compter. C'était rien n'est plus comme avant, c'est la pleine ligne. Recule pas, avance, prends une arme et lit. Dans ce bonheur court et éphémère. La porte de secours était fermée, on peut plus freiner. T'es fait mec, une seule sortie dans l'incendie. Foncez pour être un joueur entier. Rester en vie, on grandit sans cette garantie. On n'a pas de renaissance, de naissance non. On a peu de chance à l'adolescence. Jeunesse hors norme, sur l'autoroute qui roule dans le mauvais sens comme moi. Une erreur et on meurt comme ça, face à face comme moi. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pères. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Après tant d'années, écrit des rimes pour le restant. C'est notre dernière chance. On tente le diable, plus de raison d'être prudent. Appréhendant le futur comme des pères. Dans notre dernière chance, y'a rien d'enviable, on le prétend. Rêve de passer du passe-temps au métier, c'est moi la sang. Ouais, c'est moi la sang. SKIV, c'est comme ça que toi je t'ambiance ça. SKIV, j'y arrivais, notre dernière chance. Ouais. Notre bonne étoile, nous on est sans. Un ultimatum, vise la record, notre dernière chance. Yeah, Gita, t'en la sepa, Alto Bogentes, mais tu sais où t'es. Un débarque, yeah, un fermé registre, la dernière chance.